Mark Twain, feu Benjamin Franklin. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez aussi bien faire après-demain. Benjamin Franklin. Cet individu était une de ces personnes que l'on appelle philosophe. Il était jumeau et étant né simultanément dans deux maisons différentes de Boston. Les maisons existent encore aujourd'hui et portent des inscriptions relatant ce fait. Les inscriptions sont assez claires et d'ailleurs presque inutiles, car de toute façon les habitants appellent sur ces deux maisons l'attention des étrangers, souvent plusieurs fois par jour. Le sujet de cette étude était de nature vicieuse et de bonheur prostitua ses talents à inventer des maximes et des aphorismes calculés pour tourmenter les jeunes générations des âges suivants. Même ses actes les plus simples étaient machinés pour pouvoir être offerts en exemple aux petits garçons de tous les temps qui sans cela eussent été si heureux. C'est avec cette idée qu'il voulait être le fils d'un fabricant de savon, sans aucune autre raison probablement que de rendre suspect les efforts de tous les garçons futurs qui essaieraient d'arriver à quelque chose et qui ne seraient pas les fils d'un fabricant de savon. Avec une malveillance unique dans l'histoire, il travaillait tout le jour, éveillait toutes les nuits et faisait semblant d'étudier l'algèbre à la lueur d'un feu couvert pour forcer tous les autres garçons à faire de même s'ils ne veulent pas qu'on leur jette sans cesse à la tête Benjamin Franklin. Non content de ses procédés, il trouvait de bon goût de vivre uniquement de pain et d'eau claire et d'étudier l'astronomie pendant les repas, chose qui a causé depuis le malheur de millions d'enfants dont les pères avaient lu la pernicieuse biographie de ce personnage. Ses maximes étaient pleines d'animosité contre les petits garçons. Encore aujourd'hui, pas un d'eux ne peut suivre un simple instinct naturel sans trébucher car quelqu'un de ses éternels aphorismes et entendre aussitôt citer du Franklin. S'il achète 2 sous de pistache, son père lui dit « Rappelle-toi, mon fils, le mot de Franklin, 1 sou par jour fait 1 franc par an. » Et tout le plaisir des pistaches est empoisonné. S'il veut jouer à la toupie quand il a fini ses devoirs, son père déclare « La temporisation est le voleur du temps. » S'il fait une action vertueuse, il n'obtient jamais rien en retour, car la vertu est à elle-même sa récompense. Et le pauvre enfant est harcelé jusqu'à mourir et privé de son sommeil parce que Franklin a dit un jour, dans un de ses moments d'inspiration méchante, « Se coucher et se lever tôt rend l'homme sain, riche et pas sot. » Comme s'il pouvait être question pour un garçon d'être en bonne santé, riche et sage dans ces conditions. Les ennuis que cette maxime m'a valu, tout le temps que mes parents l'ont expérimenté sur moi, aucune langue ne pourra les dire. Le résultat naturel est mon état présent de débilité générale, d'indigence et de folie. Mes parents avaient l'habitude de me faire lever parfois avant 9 heures du matin, du temps que j'étais enfant. S'ils m'avaient laissé prendre le repos qu'il me fallait, où en serais-je maintenant? Je tiendrais sûrement un magasin, et je serais honoré par tous. Et quelle vieille fripouille audacieuse était l'homme dont nous racontons l'histoire! Pour s'autoriser à jouer au cerf-volant le dimanche, il avait imaginé d'accrocher une clé à la ficelle et de faire croire qu'il pêchait à la foudre. Et le public ingénu rentrait chez soi en exaltant la sagesse et le génie de ce vieux profanateur du jour saint. Si quelqu'un le surprenait s'amusant à la toupie tout seul alors qu'il avait plus de 60 ans, il affectait aussitôt d'être en train de calculer comment le gazon poussait, comme si cela lui regardait. Mon grand-père l'a bien connu. Benjamin Franklin, disait-il, était toujours en train, toujours affairé. Si on le trouvait dans sa vieillesse occupé à attraper des mouches, ou à faire des pâtés de sable, ou à patiner sur la trappe de la cave, il prenait aussitôt une mine grave et lâchait une maxime, et s'en allait le nez en l'air et le bonnet de travers, essayant de paraître préoccupé et bizarre. C'était un rude malin. C'est lui qui a inventé un poêle qui fume la tête d'un homme comme un jambon en 4 heures d'horloge. On devine la satisfaction diabolique qu'il a dû avoir à lui donner son nom. Il était toujours à raconter vaniteusement comment il fit son entrée dans Philadelphie, avec pour tout potage 2 shillings dans sa poche et 4 pains sous le bras. Mais en réalité, si vous venez à examiner la chose avec un esprit critique, ce n'était rien du tout. N'importe qui aurait pu en faire autant. C'est à lui qu'appartient l'honneur d'avoir soutenu qu'il y aurait avantage pour les soldats à se servir comme autrefois de flèches et d'arcs au lieu de baïonnettes et de fusils. Il faisait remarquer, avec son bon sens habituel, que la baïonnette pouvait rendre des services en certains cas, mais qu'il doutait qu'on puisse en servir à distance utilement. Benjamin Franklin fit beaucoup de choses importantes pour son pays, pays nouveau qui devint honorablement célèbre pour avoir donné le jour à un tel fils. On ne se propose pas ici d'ignorer ou de diminuer ses mérites. Ce que l'on veut, c'est uniquement réduire à leur juste valeur les maximes prétentieuses affectant une grande nouveauté qu'il a fabriquée à grand renfort de banalité, qui était déjà regardée comme d'assommant en platitude au temps de la tour de Babel. Et aussi démolir son poil et ses théories militaires et ses allures indécentes pour se faire remarquer à son entrée à Philadelphie, et sa manie de jouer au cerf-volant et de gaspiller son temps en 1000 sottises pareilles, quand il aurait eu mieux à faire en allant vendre son suif ou fabriquer ses bougies. J'ai voulu surtout détruire au moins en partie la désastreuse idée qui domine dans la tête des pères de famille que Franklin a acquis son génie en se livrant à des travaux puérils, en étudiant au clair de la lune, en se levant au milieu de la nuit, au lieu d'attendre le jour comme un chrétien. Et j'ai voulu m'élever contre cette idée qu'un pareil programme, rigoureusement appliqué, ferait un Franklin de chaque fils de fou. Il serait temps pour les gens de se rendre compte que toutes ces excentricités déplorables de l'instinct et de la conduite sont seulement les preuves et non pas les causes du génie. Je voudrais avoir été le père de mes parents assez longtemps pour leur faire comprendre cette vérité et les disposer ainsi à laisser leur fils mener une vie plus heureuse. Quand j'étais enfant, j'ai dû fabriquer du savon, bien que mon père fût riche. J'ai dû me lever de bonne heure le matin et étudier la géométrie à déjeuner, et m'en aller vendre des vers que j'avais composés, et agir en tout exactement comme Franklin, dans le bel espoir que je serais un jour un Franklin. Voyez ce que je suis devenu.